Chapitre 35e. Quand M. de Carquebus vit son neveu s'installer rudement pour y passer les vacances de Pâques, il ne se gêna pas pour manifester tout haut sa surprise. « Personne ne va non plus à Paris maintenant, » dit-il. « Au mois de décembre, c'est le marquis qui reste à Rudemont. Maintenant, c'est le substitut qui s'y installe. » Il regretta d'avoir donné des conseils à Louis le jour où Mme Clémence était arrivée au château. Si maintenant son neveu allait devenir son rival, heureusement il avait pris les devants, et la petite déesse ne serait pas assez naïve pour préférer un homme tel que lui, Artème de Carquebus, un gamin comme ce petit magistrat qui n'avait pour lui que ses 25 ans. La belle chose vraiment que la jeunesse pour une femme intelligente telle que l'était Clémence. Des nigauds qui se figurent qu'il n'y a qu'à dire « je vous aime » avec une voix tremblante et des yeux blancs. Sa voix, lui, ne tremblait pas, et il ne savait pas rouler ses yeux. Ce n'était pas son genre. Il en avait un autre, et le vrai, celui-là, le bon. Au moins, plus d'une le lui avait dit. Il n'était pas possible que la petite déesse ne fût pas comme les autres. Bien que la confiance qu'il avait en son mérite personnel et en son genre le rassurasse jusqu'à un certain point, il se promit cependant de surveiller son neveu, attendu qu'avec les femmes tout est à craindre, même le désir de voir des yeux blancs. Quelques précautions rendaient le séjour de Louis à Rudemont sans danger. D'ailleurs, à la moindre menace, il n'en ferait ni une ni deux, il irait tout simplement prévenir le marquis, qui bien certainement ne laisserait pas l'institutrice de sa pupille exposée aux entreprises d'un gamin. Arthur serait furieux, et sa colère, qui tomberait d'abord sur le fils, rebondira ensuite jusque sur la mère. D'une pierre, ça sera faire deux coups. Tranquillisé jusqu'à un certain point par ses réflexions, il eût voulu trouver les mêmes motifs de sécurité du côté de Denise. Malheureusement, il n'en pouvait pas être ainsi. Ce qu'il avait vu et remarqué depuis plusieurs mois avait chaque jour confirmé et fortifié l'idée qui s'était présentée à son esprit inquiet quand il avait appris la prochaine installation de Denise à Rudemont. Si alors il avait soupçonné que sa sœur voudrait essayer d'amener un mariage entre son fils et l'héritière d'Arthur, maintenant ce n'était plus un soupçon qui le tourmentait, c'était une certitude qui l'angoissait. Assurément, c'était pour préparer ce résultat que Madame Méraud avait fait venir son fils à Rudemont. Dans l'intimité de chaque jour, il gagnerait le cœur de l'enfant, et alors ce serait chose finie, mariage conclu, héritage perdu. À cette pensée, il tombait dans de véritables accès de rage, qui, pour être muet, n'étaient pas moins terribles. Et les regards qu'il lançait à sa sœur étaient si roides et si durs que le marquis ne manquait jamais de le plaisanter à ce sujet. « Quels yeux vous faites à ma cousine » disait-il. « Voyez donc, Madame Clémence. » Et Monsieur de Carquebus qui a les yeux si doux quand il veut, répliquait celle-ci en riant au nez de son adorateur. Suis-je libre d'avoir ici les yeux qu'il me plaît d'avoir? S'écria Monsieur de Carquebus. Ou bien faut-il qu'avant de m'asseoir à votre table, je vous demande quels yeux vous voulez que je me fasse? Assurément, vous êtes tout ce qu'il y a de plus libre, mon cousin. Et vous, Monsieur le Marquis, vous n'êtes pas libre de m'assaillir d'observations aussi déplacées. Je vous préviens que je ne les supporterai pas. Et il allait ainsi jusqu'au moment où le marquis, ennuyé, lui cédait la place. Alors, se tournant vers sa sœur avec des airs vainqueurs, « Encore un de tes bons services, » disait-il, « ne te lasseras-tu pas de me susciter des querelles ?» À son tour, Madame Méraud sortait du salon. Clémence et Denise la suivaient, et Monsieur de Carquebus, resté maître du champ de bataille, se promenait à grands pas, une main derrière le dos, l'autre sur la hanche, les yeux fixés sur les portraits de la famille de Rudemont, comme pour leur demander s'ils étaient contents de lui. « Vous tous, soyez témoins » aurait-il dit volontiers si ce verre s'était trouvé dans son béranger. Il les consultait. Parmi tous ces Rudemont qui se tenaient là, immobiles dans leur cadre, ne s'en trouverait-il pas un pour lui inspirer une bonne idée? « Vous, Audric de Rudemont, qui, selon la tradition, avait fait mûrir dans un caveau votre femme et son amant, vous tairez-vous donc? Et vous, Andry de Rudemont, qui avait laissé dans la contrée une réputation qui éclipsa celle de Robert le Diable. N'aurez-vous pas un bon conseil à donner à un homme qui, pour la gaillardise, a été digne de vous ?» Mais non, rien ne venait d'eux. Le soir seulement, au soleil couchant, André de Rudemont paraissait s'animer. Mais c'était pour faire une grimace narquoise. « Si tu étais un Rudemont, semblait-il dire, tu trouverais bien quelque chose, mais tu n'es qu'un fabu. » Être un Rudemont, c'était cela précisément ce qu'il voulait. Et au moment où il était près de ce but, depuis si longtemps poursuivi, un gamin se plaçait devant lui. Comment l'écarter? Était-il position plus fâcheuse que la sienne? D'un côté, Clémence à surveiller, de l'autre, Denise. Ici son amour à défendre, là sa fortune, et toujours contre le même coquin, le fils de sa sœur, son propre neveu. Ah, la famille! Il est vrai qu'un autre à sa place n'eût point été torturé par cette double angoisse, et qu'il se fût arrêté à celle-ci ou à celle-là, l'une devant exclure l'autre. Mais il n'était pas homme à se laisser endormir par des considérations de ce genre. Tout en courtisant Denise pour en faire sa femme, Louis pouvait très bien poursuivre Clémence pour en faire sa maîtresse. Il savait comment les choses se passent dans le monde, et il croyait juger équitablement la vie en s'appuyant sur ses souvenirs. Cependant, comme il n'y a pas d'opposition, si terrible qu'elle soit, dont un homme de ressources ne tire quelque chose, il finit par trouver un moyen pour améliorer singulièrement la sienne. Ce fut de charger Clémence de la surveillance de Denise. Prévenue des véritables intentions de Louis, l'institutrice ne se laisserait pas émouvoir par un homme qui aimait une autre femme qu'elle. Ce n'était pas ce grand brigand d'André de Rudemont, ce fort Robert le Diable, qui lui aurait inspiré une pareille idée. Il l'avait trouvé tout seul, lui, Artème Fabu de Carquebus. Aussitôt, il voulut la communiquer à l'institutrice. Malheureusement, il ne pouvait que difficilement s'entretenir avec elle d'une manière suivie. Un mot à la dérobée, un serrement de main entre deux portes, un coup d'œil de côté, c'était tout ce que l'institutrice lui permettait. Cependant, il tenta l'aventure. « J'ai à vous parler, » lui dit-il en sortant de déjeuner, deux jours après l'arrivée de Louis. « Eh bien, écrivez-moi, » répliqua-t-elle en lui riant au nez. « Ce n'est pas de vous qu'il s'agit ni de moi, mais de Denise, pour une affaire sérieuse. Eh bien, allez m'attendre sur l'esplanade. J'irai vous rejoindre tout à l'heure. Devant tout le monde? Puisque vous ne voulez que parler, que vous importe? On nous verra, on ne nous entendra pas. » Au bout de quelques instants, elle vint en effet le rejoindre. « Seriez-vous bien aise, dit-il, qu'on séduisît votre élève sous vos yeux? Non, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qu'on est cependant en train de faire. Ah, mon Dieu! S'écria-t-elle. Ce que je vous dis est la vérité. Surveillez Louis et Denise. Il ne faut pas que cette chère petite, si gentille et si honnête, soit trompée par mon coquin de neveu. C'est un grand bonheur pour moi de vous entendre parler ainsi, et de voir que je vous avais mal jugé. Vous êtes un honnête homme, monsieur de Carquebus, et je vous remercie de cet avertissement. Mais, malgré toute la confiance que vous m'inspirez, je ne puis le croire fondé. Denise est l'innocence même. Monsieur Louis me paraît un bon jeune homme, incapable d'une chose pareille. C'est que vous ne soupçonnez pas la vérité, dit monsieur de Carquebus à mi-voix. Louis est poussé par sa mère, qui voudrait lui faire épouser Denise, car Denise, vous devez vous en douter, est la fille du marquis. Si Louis devenait son mari, il aurait l'héritage d'Arthur. Comprenez-vous maintenant? Ah, mon Dieu! Dit-elle en joignant les mains. Quelle horreur que la vie! Et que sont dures les leçons de l'expérience! Pourquoi m'avez-vous parlé ainsi? Pourquoi ne pas me laisser dans mon ignorance et m'imposer votre terrible savoir? Pour que vous soyez averti, dit-il, tout fier d'entendre parler de son savoir. Eh bien, je veillerai. Mais pour croire ce que vous venez de m'apprendre, il faudra que je le voie. Monsieur Louis, si doux, si aimable, au regard si franc. Louis n'est pas doux, il n'est pas aimable, son regard n'est pas franc, détrompez-vous. Denise, si pure, si simple, si enfant. Non, non, c'est impossible. Il fit un pas en arrière pour entrer au château. J'ai mille choses à vous dire, ne vous éloignez pas. Il le faut. Eh bien alors, oubliez de pousser votre verrou ce soir. Ah, monsieur de Carquebus, un mot pareil, après les paroles élevées qui viennent d'être prononcées entre nous. Ça se dit, ces choses-là, à propos des autres. Elle continua de s'éloigner, mais bientôt, se retournant à demi. « Je me promène tous les jours dans le tour du parc, » dit-elle. « Vous pourriez vous y promener aussi ?»